En Corée, les travailleurs engagés dans la campagne de Décembre remportent les succès pour ouvrir une brèche à l'accomplissement de la stratégie quinquennale de développement de l'économie nationale. Divers complexes ouïés, comme le complexe du district de Tokchon, ont accompli le plan de la première décade, alors que le complexe sidérurgique Kimtae a doublé la production de fonte par rapport à la même période de l'année dernière. Pendant un mois dernier, en profitant des fleuves Amno, Changjin et Bujeon, les entreprises relevant du complexe d'exploitation forestière numéro 121 ont multiplié par plus de 1,2 fois le transport des troncs d'arbres par rapport à la même période de l'année dernière.